L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. À Nancy, le nouvel an chinois sera célébré le samedi 7 février, notamment dans les grands salons de l'hôtel de ville. Feng Yu Mikusek, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association des Chinois en Lorraine. Nous entrons dans l'année du cheval, c'est ça ? Tout à fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, ce nouvel an chinois ? Ce nouvel an chinois, figurez-vous, on organise à Nancy depuis 2012 déjà, pour la première édition. Donc ça a attiré beaucoup de monde, également du succès. Surtout à Nancy, on est très chanceux parce qu'on a énormément des associations et des écoles ou des établissements en fait, qui sont très impliqués dans la culture chinoise. Donc du coup, une fois c'est fait, il y a beaucoup d'associations et puis des clubs qui nous suivent. C'est la raison pour laquelle on a une longévité jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Nouvel An chinois, c'est la fête la plus importante de toute l'année pour toute la communauté chinoise, partout dans le monde, également bien sûr en Chine. Donc, en Chine, on fête avec beaucoup d'animation. Ici, on fait comme on le peut avec les associations et puis avec les expatriés pour essayer de montrer vraiment les différentes facettes de la culture tout autour de cette fête qui est très importante pour nous, les expatriés et puis pour nos étudiants chinois qui sont à Nancy et à l'environ. L'année du cheval, est-ce qu'elle a des symboles particuliers ? Bien sûr. Vous savez que le cheval, c'est le 7e animal parmi les 12. Nous avons 12 signes astrologiques chinoises. Le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent. Cette année, on est encore sous l'année de serpent. Et après, c'est le cheval, le chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Si vous regardez, c'est vrai que les gens, quand on regarde les 12 signes astrologiques chinois, ils vont d'abord penser au dragon parce que voilà, c'est sûr que le dragon, c'est le seul animal dans le 12 qui est mythique et puis est légendaire, et un super pouvoir, mais sachant que c'est légendaire en même temps. C'est lui qui incarne l'empereur et le pouvoir, la puissance, la loyauté. Et par contre, le deuxième animal le plus important et dynamique, c'est le cheval. Donc, le cheval galopant, c'est d'ailleurs quand on souhaite au nouvel an, la bonne année aux autres, on souhaite aux gens une santé, une énergie aussi vive que le dragon et le cheval. Donc, en espérant, cette année, on rentre de l'année de cheval de feu, on sera tous dynamiques et puis voilà, un avenir galopant devant nous. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu comme festivité alors ce samedi 7 février ? L'ouverture au public, c'est à partir de 10h30 jusqu'à 17h, en rentrée gratuite au grand salon de l'Hôtel des Villes de Nancy. Il y a une trentaine de stands, y compris les associations des clubs, voilà, tout au long de la journée, il y a des démonstrations, des animations, des spectacles, des mini-concerts, et puis des échanges sur place. Et par contre, le point fort, c'est vraiment par rapport à la danse de dragon, bien sûr. La danse de dragon, il y aura seulement deux passages, midi à la place Stanislas et 15h à la place Stanislas. Je vais sortir 3 dragons cette année, avec 3 lions. Chaque dragon, il fait 21 mètres, donc il faut 10 personnes. 10 personnes pour faire danser. Alors, si vous voulez être bénévole de danseur de dragon, vous pouvez venir le 7 février matin à 8h30 à la place Stan et puis commence l'entraînement. Il y a besoin d'avoir quelques connaissances déjà pour maîtriser ? Non, parce que moi j'ai un prof qui est là, qui tous les ans il entraîne mes dragons, donc du coup on peut vraiment tous les ans, il y a toujours des gens, des nouveaux ou les élèves, voilà, c'est ces jours-là, le jour J en fait, on s'entraîne. Donc à 8h30 on va s'entraîner jusqu'à 11h parce que 11h30 c'est le moment officiel et puis nous jeunes qui doivent s'habiller et puis voilà, mettre le costume qu'il faut. Et puis voilà, le temps se passe à midi. Donc logiquement, ça va bien se passer. C'est très coloré. On est des bénévoles, on n'est pas des professionnels. Ce qui est important, c'est la fête. Après, c'est sûr que ce n'est pas la danse de dragon et danse de lion comme en Chine qui saute de partout. Mais c'est déjà très, très beau comme ça. C'est très, très coloré. Oui, oui. Rouge et or. Voilà, vous attendez combien de bénévoles alors ? Rien que le danse de dragon, il faut 30. Parce qu'il y a 3 dragons et puis après, on a 3 lions. Charles Lyon, c'est 2. Et puis après, on a une équipe pour le tambour. Donc du coup, il faut beaucoup de bénévoles rien que pour la présentation à la place Stan. Et puis à l'intérieur de la mairie, c'est sûr que toutes les associations, eux, ils vont faire leur démonstration et tout. Pour nous, c'est aussi des bénévoles. Il y a vraiment beaucoup de monde ces jours-là. Donc à l'intérieur, il y a plusieurs stands. L'événement, il est co-organisé depuis très très longtemps, toujours avec nos co-organisateurs très fidèles. Donc il y a l'association de Chinois en Lorraine dont je préside, également les amis amitié franco-chinoise, Espace Chine Centre Culturel, Wangli Institute, c'est une école qui dispense des cours de chinois et de culture, et l'Union des chercheurs et étudiants chinois à Nancy. À l'intérieur, il y a aussi beaucoup de clubs de l'association de kung-fu, de tai-chi, comme le Longjua, les griffes de dragon, également le Hongar, qui est un club de kung-fu, un club de kung-fu Keilao, qui est vietnamien. Il y a aussi un club Budokan qui vient de Metz. Donc, déjà, rien que le côté kung-fu, il y a beaucoup de aussi. Il y a les deux écoles de médecine chinoise de Nancy, on a beaucoup de chance. Le Mingmen, également ILMTC. Et puis, il y a plusieurs thérapeutes de médecine chinoise qui sont là. Les écoles comme institution de la salle de Metz, puisque c'est moi, je suis enseignante là. Et également Saint-Dominique. Et bien d'autres associations et participants qui seront là, on est à peu près une trentaine. Voilà, voilà. Une trentaine. Beaucoup de choses à voir, et beaucoup de choses à vivre sur place et une culture à découvrir bien aussi. Sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce nouvel an chinois? En espérant le temps sera avec nous, oui. On n'aura pas trop froid surtout. En fait, c'est le matin, l'entraînement, si la place il est gelée ou la neige, c'est sûr, on ne va pas prendre le risque de s'entraîner parce qu'on va tomber en fait. Mmh. Donc, du coup, le météo, il compte beaucoup. Et sinon, s'il fait bon, voilà, c'est sûr que ça sera une très, très belle fête. Je dois encore, si vous permettez, de mentionner une chose. Tous Bien les sûr. Ans, en fait, c'est le centre Sébastien, le traiteur Wing Wu, qui nous offre un ton de nourriture de chez eux. Et nous, on les vend sur le stand de son optimiste. Parce qu'en fait, la vente, une fois collecté l'argent, on utilise en fait pour des œuvres caritatives. Donc, plusieurs années derrière, on a utilisé pour donner une bourse pour un étudiant de local ici pour qu'ils puissent poursuivre leurs études. Voilà. Voilà, une donc, belle action y a tout en ça. Plus. Oui, hein, beaucoup tout de à choses, fait, hein, tout à ce fait. Samedi 7 février, place Stanislas et dans les grands salons de l'hôtel de ville. Pour l'association des Chinois Lorraine, c'est bien sûr un grand temps fort, j'imagine le plus grand peut-être de l'année. Vous avez d'autres rendez-vous Oui, oui, nous on fait surtout deux grands événements. L'un qui est celui-là en co-organisation avec des autres clubs et l'autre c'est souvent, c'est on fait au niveau de septembre, début octobre pour fêter la fête de la Lune. Mmh. C'est souvent sous forme de spectacle, c'est pareil, ouvert au public, au grand salon de l'hôtel de ville. Pour l'instant, on ne peut pas dévoiler, pour l'instant, est-ce qu'il y aura un spectacle ou pas, mais ça fait maintenant depuis 7-8 ans de suite, on a tous les ans un spectacle, en espérant cette année aussi. Eh bien, on aura voilà. le plaisir de vous accueillir à oui. nouveau pour en parler. Oui, merci bien beaucoup, sûr. Feng Yomikusek. Je rappelle que vous êtes président de l'association des Chinois en Lorraine. Je vous laisse le dernier mot, peut-être. Oui, peut-être un petit mot en chinois. Hein? Oui. Donc, bonne année, c'est 新年快乐. Et bonne année de cheval, c'est 马年快乐. Et bonne santé, c'est 身体健康. Donc, je vous souhaite tous 新年快乐, 身体健康. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.